je ne saurai jamais. Tes lèvres s'entrouvent sur des mots clôturés, tes lèvres s'entrouvent et gardent le secret. Jamais je ne pars.